إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le vendredi 15 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 8 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Qurashi rahimahullah. L'imam Ismail ibn Kathir, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Donc, on a commencé à parler des batailles et des expéditions du prophète alayhi salatu wassalam depuis son arrivée fil Madina, l'arrivée à Médine, qui a eu lieu le lundi 12 Rabi' al-Awwal, 13 ans après la prophétie, et qui va être la première année de l'Hégire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, comme on a vu, la première bataille dans laquelle il a participé, qu'on appelle Ghazwa, c'est Ghazwatul Abwa. Et les batailles en général, elles portent le nom dans l'endroit dans lequel elles se sont déroulées. Donc l'Abwa, comme on a vu, c'est un endroit qui se trouve à peu près à 200 et quelques kilomètres de l'Madina, entre l'Madina et Mecca. Cette bataille a eu lieu 11 mois ou 12 mois après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, dans l'année 2 de l'Hégire, le mois Safar, le deuxième mois dans le calendrier de l'Hégire. Et en cours de cette bataille, Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé, yani il y en a qui voient que ça a été les expéditions, c'était juste après cette bataille. Il a envoyé deux expéditions militaires. La première était dirigée par Hamza radiallahu anhu. Et la deuxième était dirigée par Ubayd ibn al-Harith radiyallahu anhu. Et on a vu que la première a été envoyée dans le mois de Ramadan et la deuxième un mois plus tard, le mois de Shawwal. Et il y a une troisième qui a été envoyée encore un mois après celle-là, dans le mois de Dhul-Qa'da. Al-Qa'da, c'est avec le Fath, et qui a été dirigé par Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et on a vu que parmi les objectifs de ces excursions militaires, c'était tout d'abord d'explorer les alentours de l'Madina, et toutes les routes qui mènent vers Mecca. Parce que l'objectif premier, c'est Kuffar Quraysh. Et dès que Kuffar Quraysh suivront, tous les Arabes suivront par la suite. Parce que c'était la tête des Arabes. Donc c'était ça le but et l'objectif principal de Nabi Aïssa Salam et de ses compagnons. Donc tous ces mouvements étaient dans ce sens-là. Également, c'était pour nuire au commerce de Quraysh. Notamment en interceptant leurs caravanes commerciales. Les Sahaba étaient dans une grande pauvreté fil Madina, malgré que leur frère parmi l'Ansar leur ont proposé de partager leurs biens, comme on l'a vu, notamment entre Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhuma. Mais vous imaginez bien que les émigrés avaient une fierté et n'ont pas voulu prendre des aides. La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Et donc, ils ont cherché à avoir des choses, yani, par leurs propres efforts et par leur propre travail. Et c'est pour ça que ces expéditions militaires avaient pour objectif également de prendre ces caravanes commerciales et de récupérer une partie de ce que Kuffar Quraysh leur ont pris. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, c'est un point extrêmement important. Ne l'oubliez surtout pas, c'est que Kuffar Quraysh était en guerre contre le Nabi Aïssa Salam et ses compagnons. C'est pour ça, c'était autorisé pour eux d'intercepter leur caravane commerciale et de prendre leurs biens. Parce que c'est ce qu'on appelle le kafir al-harbi, le mécréant qui est en guerre contre toi, contre le muslimin. Mais sinon, il n'est pas autorisé de prendre l'argent des mécréants sans raison valable. Et le croyant est tenu de respecter ses engagements vis-à-vis d'eux, et c'est Allah qui fait triompher. Et Nabi alayhi salam, dans une histoire qui est arrivée à Hudhayfa radiallahu anhu, son père, ils étaient capturés par les koufars de Quraysh. Et ils leur ont dit de leur donner une promesse que si jamais le Nabi alayhi salam combat koufars Quraysh, qu'ils ne participeront pas avec lui. Et ainsi ils seront libérés. Effectivement, ils ont donné cette parole. Et pour eux, si jamais le Nabi alayhi salam est amené à combattre koufars Quraysh, il n'y a pas de mal à participer avec lui. Et quand ils ont informé le Nabi Isa al-Salam, il a dit, Nufi lahum bi'ahdihim, wa nasta'inu billahi alayhim. On tient nos promesses vis-à-vis d'eux. Et on respecte nos engagements vis-à-vis d'eux. Et on demande à Allah l'aide contre eux. Et ça vous montre les valeurs et les principes sur lesquels était notre prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les principes et les valeurs de l'islam. Car le Nabi alayhi salam, comme l'a décrit notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an » Son comportement, c'était al-Qur'an. C'est-à-dire tout ce que Allah ordonne dans le Qur'an, il le met en pratique. Et tout ce que Allah interdit, il s'en écarte, alayhi salatu wassalam. Et il mettait en pratique tout ce qui est dans le Coran, tout ce que Allah ordonne, alayhi salatu wassalam. Et donc, comme on a vu, les deux expéditions que le Nabi alayhi salatu wassalam a envoyées, aucune n'a pu intercepter une caravane commerciale de Quraysh. Ils leur ont échappé dans les deux fois. Et on a vu cette histoire de ce gros cétacé, une baleine ou quelque chose similaire, c'est ce qu'on connaît nous يعني qui ressemble à ce qui a été décrit comme ça. Allah Azza wa Jalla leur a fait sortir ce gros poisson après qu'ils étaient touchés par une famine, au point où ils ont mangé les feuilles tombantes des arbres, comme les chameaux. Car ces feuilles, c'est la nourriture en général des chameaux. Radiallahu anhum. Donc vous imaginez la pauvreté de laquelle souffraient les compagnons, radiallahu anhum. La pauvreté dans laquelle ils étaient, et malgré ça ils sortent pour propager la religion d'Allah. Car l'objectif ultime de toutes ces batailles, de toutes ces excursions militaires, de toutes ces expéditions, c'est de propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire parvenir la voix de la vérité à toute l'humanité sur terre et même à tous les hommes et tous les djinns également. Car le message du prophète alayhi salatu wassalam est un message universel. Et ça, c'est parmi ses particularités que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, va traiter dans la deuxième partie de ce livre. Les particularités et les choses spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, après ces deux expéditions, النبي عليه الصلاة والسلام est sorti 13 mois après son arrivée في المدينة dans le mois ربيع الأول. Il est sorti avec une vingtaine d'hommes parmi ses compagnons pour intercepter encore une fois une caravane commerciale appartenant cette fois à Umayya ibn Khalaf, un des pires ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Et son frère, c'est Ubay ibn Khalaf. Et les deux, c'était parmi les têtes des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Et Umayya ibn Khalaf, c'est celui qui torturait en particulier Bilal ibn Abi Rabah, car c'était un esclave, c'était un de ses esclaves. C'est lui qui le torturait. Et Umayya ibn Khalaf, c'est tellement une tête de la mécréance que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand un jour ils ont parlé de la prière auprès de lui, il a dit Man hafaza alayhinna, en parlant des cinq prières obligatoires, il a dit Man hafaza alayhinna kanat lahu nuran wa burhana. Celui qui accomplit ses salawats, ses cinq salawats, dans leur temps, ça sera pour lui une lumière et un argument auprès d'Allah et une sauvée le jour de la résurrection. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنَّ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ. Il a dit par contre, celui qui n'accomplit pas ses salawats et qui ne les fait pas dans leur temps, ça ne sera pour lui ni lumière, ni argument et preuve auprès d'Allah, ni sauvé le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité avec Fir'aun et Qarun et Haman. Haman, c'est le ministre de Fir'aun. Et Qarun, il était à l'époque de Moussa alayhi salam. Et Ubay ibn Khalaf. Donc vous voyez qu'il a cité quatre parmi les têtes de la mécréance qu'a connu l'humanité. Et il a cité parmi eux Ubay ibn Khalaf, le frère de Umayya ibn Khalaf, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti dans cette bataille pour intercepter une caravane commerciale dans laquelle il était présent et dans laquelle il y avait ses biens. Et dans cette caravane, il y avait à peu près une centaine d'hommes de mécréants. Et ils avaient 2500 chameaux. Donc vous imaginez la caravane commerciale que c'était. C'était une grande caravane commerciale. Parce qu'ils ramenaient leurs marchandises à dos de chameaux. Et vous imaginez chaque chameau combien doit transporter. Et le Nabi Issa alayhi salam est sorti ils étaient à peu près 200 hommes. Il est sorti le mois de Rabi' al-Awwal. Et cette bataille a été nommée la bataille de Buwat. Al-Asili a dit Buwat ou Bawat, les deux, avec Dham et avec le Fath. On dit Buwat et on dit également Bawat. Ça, c'est le nom d'une montagne dans la région de Juhayna. Cette grande tribu arabe ici en Arabie Saoudite, qui s'appelle Juhayna. Et quelqu'un de cette tribu, on l'appelle Juhani. Donc, ils sont sortis vers cet endroit qui est cette montagne de Buwat avec lequel est nommée la région. Et Nabi Issa alayhi salam est sorti lui-même dans cette bataille. Et il a laissé comme responsable sur le Madina As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un. As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Un parmi les grands compagnons. Et il est parti avec ses 200 hommes jusqu'à arriver à cet endroit qui s'appelle Buwat de la région dans cette tribu de Juhayna. La région elle s'appelle Radwa et ils n'ont pas eu de combat, ils n'ont pas combattu et ils n'ont pas trouvé cette caravane commerciale non plus. Ils n'ont pas trouvé cette caravane commerciale non plus. Cheikh Ibn Baz, j'ai oublié de le préciser, quand il cite ce hadith que je vous ai cité, qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission par rapport aux cinq salawat, et que celui qui les accomplit dans leur temps, ça sera une lumière et une preuve, une sauvée pour lui le jour de la résurrection. Et celui qui les accomplit pas dans leur temps, ça ne sera ni lumière, ni argument, ni sauvé auprès d'Allah. Et il sera ressuscité avec Fir'aoun. Fir'aoun, c'est l'exemple de celui qui délaisse ses salawats dans l'heure à cause du royaume, de son royaume et de son statut. بسبب الملك يعني les dirigeants et les responsables et ceux qui ont des responsabilités. Et Qarun, c'est l'exemple de celui qui néglige ses salawat à cause de son argent et de sa richesse. Et Haman, comme c'était un ministre, c'est yani qui est dans le rafla et dans l'insouciance à cause de son poste et de sa fonction. Et Ubay ibn Khalaf, à cause du commerce, car c'était un grand commerçant. Mais de toute manière, quelle que soit la cause par laquelle on néglige les salawat dans leur temps, c'est très grave pour le croyant. Et celui qui l'a fait sortir carrément de son temps, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et salat, mes frères, si tu veux connaître la valeur de l'islam dans ton cœur, regarde l'importance que t'accordes à la salat. Que tu sois un homme ou une femme. Et le signe de cette importance pour les hommes, c'est de l'accomplir dans la mosquée, avec le groupe des muslimines. Et le signe de cette importance pour les femmes, c'est de l'accomplir en début de 100 ans. Et de ne pas la laisser jusqu'aux dernières minutes avant l'arrivée de la prière prochaine pour commencer à prier et la prier rapidement et n'évoquer Allah que très peu dedans, comme les munafiqin, comme Allah les a décrits. Donc, si tu veux savoir, ça c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le grand savant parmi les compagnons et le grand juriste et faqih des compagnons. Comme je vous ai dit, Abdullah ibn Mas'ud, c'est un homme qui a mémorisé 70 sourates de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, en étant sa main entre ses deux mains. C'est un homme qui était septième dans l'islam. C'est un homme que Omar, radiallahu anhu, quand il le voyait, il disait, un récipient qu'Allah a rempli de science, un très grand savant, il disait de lui-même, par Allah, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je sache quand est-ce que ça a été révélé, où ça a été révélé, par rapport à quoi ça a été révélé. Et si je connaissais quelqu'un qui connaissait plus que moi par rapport au Coran, que je peux atteindre à dos de chameau, j'aurais fait le voyage vers lui. Donc, Abdullah ibn Mas'ud a dit que si tu veux connaître la valeur de l'islam dans ton cœur, c'est pas avec les paroles. Pour nous tous, l'islam, c'est très important. C'est, entre parenthèses, notre raison de vivre. C'est la chose capitale dans notre vie. Mais dans la réalité, si tu veux connaître réellement ce que vaut l'islam pour toi, regarde l'importance que t'accordes à la salat. Et plus t'accordes d'importance à la salat, plus ça sera un argument et un signe comme quoi vraiment t'aimes l'islam et t'es attaché à l'islam. C'est un signe de ton attachement à l'islam. C'est pour ça parmi les compagnons, ils ne s'absentaient des prières en groupe que quelqu'un qui a une raison valable ou un hypocrite. Comme a dit Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Ça, pour les hommes, faut faire l'effort de prier en groupe avec les musulmans et donner l'importance, toute l'importance à la salat de manière générale et à salat al-jama'a pour les hommes. Et la femme, sa prière chez elle est meilleure que sa prière dans la mosquée. Elle est même meilleure que sa prière dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, où une prière compte pour 1000 et plus. Donc également, dans cette ghazwa, la deuxième bataille que le Nabi, alayhi salatu wassalam, a fait. La première a eu lieu dans le mois de Safar. La deuxième, dans le mois de Rabi' al-Awwal. C'est-à-dire, يعني un mois plus tard, la deuxième bataille dans laquelle a participé le Nabi alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le Nabi alayhi salatu wassalam va sortir 3 mois plus tard pour la troisième des batailles dans lesquelles, yani pour lesquelles il est sorti alayhi salatu wassalam personnellement. C'est ce qui a été appelé غزوة العشيرة, la bataille de l'Ushayra. Et il est sorti pour cette bataille dans le mois Jumada al-Akhira. Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, le deuxième Jumada. Le calendrier de l'Hégire, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة et c'est 12. Le premier mois c'est Muharram, le deuxième mois c'est Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab, شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة les 12 mois dans le calendrier de l'Hégire qu'il est important de connaître car malheureusement beaucoup d'entre nous connaissent le calendrier grégorien ou le calendrier solaire qui est utilisé par le Kuffar et ne connaissent pas le calendrier de l'Hégire, le calendrier lunaire qui est utilisé par le Muslimin. Donc c'est important de connaître les mois yani dans le calendrier de l'Hégire. Donc le Nabi alayhi salam est sorti dans le mois Jumada al-Oula, Jumada al-Akhira. C'est-à-dire yani la bataille précédente a eu lieu dans le mois Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Oula, Jumada al-Thaniya, trois mois plus tard. Il est sorti alayhi salatu wa salam dans cette bataille, il est sorti avec 150 hommes. Et dans une version avec 200 hommes parmi ses compagnons, afin d'intercepter une très grande caravane commerciale appartenant aux mécréants de Quraysh dans son retour de Sham. Cette bataille, elle s'appelle Al-Ushayra, ça s'appelle Ushayra. Yani, plusieurs noms qui ont été donnés à cette bataille. Mais le plus connu, c'est ce que l'imam Ibn Kathir a cité, Al-Ushayra. Et ça, ça représente, notez bien, la troisième bataille. Donc tout ça, c'est des préparations pour ce qui va suivre. La très très grande bataille pour que vous l'ayez à l'esprit. Faut savoir que tout ça, ça prépare un très très grand événement dans l'islam. Un événement bouleversant qui va tout changer dans l'histoire de l'humanité. Un jour décisif dans lequel sera discernée la vérité du faux et la guidée de l'égarement et la foi de la mécréance. Et ça sera un bouleversement dans l'histoire de l'humanité, ce jour-là. Tout ça, c'est des préparations pour ce jour extrêmement important qui va arriver, bi'idhnillah. Donc, le Nabi alayhi salam est sorti pour cette troisième bataille qui s'est fait appeler la bataille de l'Ushayra. Et, yani dans laquelle il est sorti pour intercepter une très grande caravane commerciale appartenant aux mécréants de Quraysh. Et l'Ushayra, cet endroit, il est pas loin de la ville, aujourd'hui la ville de Yanbu', à peu près à 200 kilomètres de Medina. Et il est resté dans cet endroit un mois et quelques jours du mois de Jumada al-Akhira. Il a passé plus d'un mois à cet endroit en attendant l'arrivée et le passage de cette caravane commerciale. Mais il n'a pas pu l'intercepter, alayhi salatu wassalam, il n'a pas pu l'intercepter, mais par contre il a fait beaucoup de pactes d'allégeance avec des gens sur sa route ou sur place parmi les tribus avec lesquelles il a signé un pacte d'allégeance, c'est la tribu de Bani Mudlij. Et dans cette bataille, il a laissé comme responsable sur le Medina Abu Salama ibn Abd al-Asad. Rappelez-vous toujours que c'est le frère d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam avec son oncle et frère d'allaitement également Hamza radiyallahu anhu. Et c'est l'époux de Ummu Salama radiyallahu anha qui sera par la suite épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans l'authentique de l'imam muslim, l'imam Ibn Kathir nous rapporte un hadith dans lequel, selon Abu Ishaq al-Sabi'i, il a dit, je dis à Zayd ibn Arqam, dans combien de batailles a participé le Nabi alayhi salatu wassalam? Zayd radiallahu anhu a dit 19 batailles, dont la première était la bataille de l'Usayr ou l'Usayr. Vous voyez qu'il a appelé avec un des noms qu'on a vus, deux noms parmi les noms qu'on a vus. Donc il y a certains avis, comme celui-là qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, comme quoi c'est cette bataille qui était la première. Mais on a vu que l'avis le plus juste par rapport à cette bataille, c'est qu'elle a eu lieu dans Jumada al-Akhira, et qu'il y a eu déjà deux batailles avant cette bataille. Et il a précisé également un autre point, Zayd radiallahu anhu, que le Nabi alayhi salam a participé dans 19 batailles. Et on a vu les raisons pour lesquelles les savants peuvent diverger sur le nombre de batailles dans lesquelles a participé le Nabi alayhi salam. Et parmi ces causes, c'est que le compagnon, il peut citer ce qu'il connaît des batailles. Mais peut-être qu'une bataille, il était en voyage, ou il n'avait pas connaissance de cette bataille, c'était une petite expédition qui est sortie pendant un petit laps de temps, et il n'était pas informé, ou la manière de compter les batailles. Il y en a qui vont compter deux batailles en une seule, parce que c'était dans des régions l'une à côté de l'autre, ou c'était des batailles qui ont eu lieu l'une après l'autre directement. Nabi alayhi salam, c'est-à-dire il n'est pas revenu vers le Médina avant de faire la deuxième. Il a fait la première et tout de suite après il a fait la deuxième. Donc ça, c'est parmi les raisons qui peuvent donner lieu à une divergence dans le nombre de batailles dans lesquelles a participé Nabi alayhi salam. Mais on a vu que l'avis de la plupart des savants, les savants surtout, faut savoir que dans Sira, il y a également la notion de l'authentique, bien évidemment. Ça, c'est une notion partout, dans tout ce qui est religieux. Mais il peut y avoir un peu de laxisme dans des récits dans lesquels il n'y a pas de hukm, il n'y a pas de halal, haram. C'est juste, par exemple, la bataille a eu lieu dans Jumad al-Oula ou Jumad al-Thaniya, ça ne change rien dans l'ahkam. Mais dans ces choses-là, il peut y avoir un peu de laxisme chez les hommes de science, comme ceci a été rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah, que quand c'est le halal ou le haram, yani on est strict, mais quand c'est les récits des batailles du prophète alayhi salatu wassalam, le ghazawat et les choses comme ça, on est moins strict rahimahullah. Et donc l'avis le plus connu, c'est que le Nabi alayhi salam a participé dans 25 batailles, et que le combat a eu lieu dans 9 de ces 25 batailles dans lesquelles, de ces 25 razawat dans lesquelles a participé notre prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, après Al-Ushayra, a eu lieu une autre bataille dans laquelle est sorti le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'elle a eu lieu après l'Ushayra ou avant? Donc l'imam Ibn Kathir l'a placé après l'Ushayra. Et il a dit que cette bataille a eu lieu 10 jours à peu près après l'Ushayra. 10 jours après l'Ushayra. D'autres savants disent que cette bataille a eu lieu avant l'Ushayra et qu'elle a eu lieu 13 mois après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam fil Madina. Donc elle a eu lieu dans le mois Rabi' al-Awwal. Le mois Rabi' al-Awwal, donc c'était à peu près au même temps que la deuxième bataille qu'on a vue, la bataille de Buwat. Et que l'Ushayra a eu lieu après. Cette bataille, elle s'appelle Badr al-Oula, la première bataille de Badr. Et ça s'appelle également Badr al-Sughra, la petite bataille de Badr. Comme nous allons le voir dans la région de Badr, qui est une région pas très loin de Médina et qui est connue encore aujourd'hui avec le même nom. Badr. Donc, dans la région de Badr, il y a eu trois batailles de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Celle-là, qu'on est en train de voir, qui s'appelle Badr Sughra, ou Badr al-Oula, la première bataille de Badr, ou la petite bataille de Badr. La deuxième, c'est d'elle que je vous ai parlé tout à l'heure sans la citer. Yani, ce jour décisif, ce jour de discernement entre la vérité et le faux, c'est la bataille de Badr al-Kubra. C'est cette bataille qui a changé l'histoire de l'humanité. Et pourtant, comme on va voir les détails de cette bataille, ça commence quasiment avec rien du tout. Mais Allah Azza wa Jalla, quand il veut une chose, il permet sa concrétisation et sa réalisation, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième bataille qui a eu lieu dans la même région, la région de Badr, c'est ce qui a été appelé Badr al-Maw'id. Badr, le rendez-vous. Parce que Kuffar Quraysh, à leur tête, Abu Sufyan, quand ils étaient vaincus dans la bataille de Badr al-Kubra, ils ont donné rendez-vous au prophète alayhi salam au même endroit, l'année suivante. Ils ont dit, on reviendra l'année prochaine au même endroit. Et Nabi alayhi salam leur a dit, d'accord. Et quand c'était l'heure de ce rendez-vous, Nabi alayhi salam est sorti à cet endroit. Et il était dans l'attente de Kuffar Quraysh. Et Abu Sufyan, qui s'était préparé lui aussi pour sortir, mais finalement ils ont décidé de ne pas sortir et de ne pas venir au rendez-vous à cause de la sécheresse de laquelle souffraient les gens de Mecca. Mais Nabi Aïssa Salam est sorti et parti jusqu'à cet endroit. Il est resté plusieurs jours, comme on va le voir, et quand ils sont pas venus, là, il est revenu fil Madina, alayhi salatu wassalam. Donc, la bataille de Badr, la première, et la cause de cette bataille, c'est que un homme qui s'appelle Kurz ibn Jabir al-Fihri, cet homme qui s'appelle Kurz ibn Jabir al-Fihri, il a attaqué des enclos de Madina, dans lesquels il y avait des chameaux appartenant aux muslimines. Il a attaqué ces enclos et il a pris des chameaux. Il a volé des chameaux et il a pris la fuite. Et Nabi Aïssa Osram, quand il a su ça, il l'a suivi jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Safwan, à côté de Badr. Et il n'a pas pu rattraper Kurz. Il n'a pas pu rattraper Kurz. Et c'était Kurz, c'était une des têtes des mécréants avant qu'il ne devienne musulman. Et son islam a eu lieu après cette première bataille de Badr. Après cette première de bataille de Badr. Et il a participé avec le Nabi alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans la conquête de Mecca. Et c'est là où il a été tué, radiallahu anhu. Et la raison pour laquelle il a été tué, lui et un autre compagnon, c'est qu'ils se sont écartés de l'armée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'ils ont pris à un certain moment sur la route, ils ont pris un chemin, lui et cet autre compagnon qui s'appelle Hubaysh ibn al-Ash'ar, radiallahu anhuma. Et le kuffar les ont attrapés, les ont tués. Donc c'est celui-là, Kurz ibn Jabir al-Fihri, radiyallahu anhu. Nabi alayhi salam, comme j'ai dit, il l'a poursuivi, mais il n'a pas pu le rattraper. Et quand il est sorti pour cette bataille, Nabi alayhi salam, il a laissé sur le Madina Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Il a laissé Zayd ibn Haritha comme responsable de le Madina. Ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam a envoyé une expédition dirigée par Sa'd ibn Abi Waqqas. Cette expédition a été envoyée dans le mois de Dhul-Qa'da. On est tellement habitué à Dhul-Qa'da Et ce qui est juste, c'est le Qa'da. Il a envoyé une expédition dirigée par Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu dans le mois de Dhul-Qa'da. Et comme je vous ai dit précédemment, Sa'd radiallahu anhu a été envoyé après Hamza, qui a été envoyé lui dans le mois de Ramadan, un mois plus tard Ubayda, et un mois plus tard Sa'd ibn Abi Waqqas dans la même année. Dans la même année, yani, il y a eu ces trois expéditions, l'une après l'autre, un mois d'écart entre chacune. Et tout ça a eu lieu dans la première année de l'immigration. Dans la première année de l'immigration. Et pourquoi le Nabi a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas? L'imam ibn Kathir nous mentionne une divergence. Il y a des savants qui disent qu'il l'a envoyé derrière Kurz ibn Jabir pour attraper Kurz, celui qu'on a vu avant. Et d'autres ont dit qu'il l'a envoyé pour une autre raison. Et comme je dis, et comme j'ai dit, Kurz radiallahu anhu est entré dans l'islam. Et subhanallah, parmi les choses étonnantes, Kurz radiallahu anhu, qui a attaqué les enclos des muslimines et qui a pris des chameaux et qui a pris la fuite par la suite, lui-même, c'est ce même homme qui va devenir musulman. Et quelque temps plus tard, dans cette histoire très connue, l'histoire de l'Uraniyin. L'Uraniyin, c'est des hommes qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui ont dit, qui vient de l'extérieur de Medina, et ils se sont plaints de la maladie et qu'ils étaient très malades. Ils avaient une maladie très contagieuse et très dangereuse. Et ils sont venus voir le Nabi alayhi salatu wassalam et ils lui ont demandé une guérison pour leur maladie. Le Nabi alayhi salam leur a dit d'aller s'installer pas loin justement de ces enclos dans lesquels étaient les chameaux des muslimines, et il a demandé aux bergers, yani les hommes qui veillaient sur ces chameaux, il leur a demandé de leur donner chaque jour du lait et de l'urine de ces chameaux et qu'ils se soignent avec. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés plusieurs jours là-bas jusqu'à ce qu'ils ont eu toute leur santé. Ils étaient complètement guéris de leur maladie, subhanallah. Et quand ils étaient guéris, bien évidemment, c'était des koufars. Quand ils étaient guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait pour remercier le Nabi alayhi salam et remercier les muslimines? Ils ont tué ceux qui veillaient sur les chameaux et ils ont volé des chameaux, ils ont pris la fuite. Et le Nabi alayhi salam a envoyé des hommes derrière eux. Ils les ont attrapés, ils les ont ramenés fil Medina. Et là, ils ont eu la sanction qu'Allah a imposée pour les hommes comme eux. Les hommes qui répandent le mal et la corruption sur terre. Et il a ordonné de les tuer d'une manière adéquate au mal qu'ils ont fait. Ils ont sorti leurs yeux, ils ont crevé leurs yeux, et ils les ont attachés sur des troncs d'arbres, et ils les ont laissés mourir ainsi. Et ça, bien évidemment, il y a beaucoup de sagesse dans ces choses-là. Il y a beaucoup de sagesse. Parmi les sagesses, c'est que tout d'abord, c'est la sanction qu'ils méritent pour le mal qu'ils ont fait. Et c'est la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis d'eux, tout d'abord. Et ensuite, ça sera une leçon pour tous les autres, après eux, qui vont penser à faire la même chose. Car comme disent les savants, ce qui est dur dans les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sentence en elle-même. Mais après, c'est un rahma pour les gens. Car comme la sentence, elle est dure, tu tues un homme, on te tue. C'est équitable et c'est juste. Naam, d'un point de vue. Mais ça reste quelque chose de dur. Mais c'est ça qui va faire que les gens ne vont pas tuer. Par contre, comme dans les pays occidentaux, tu tues, ils te donnent 2 ans de prison. Et dans la prison, t'es comme un roi. T'as le téléphone, t'as WhatsApp, t'as tout, t'as la télé, t'as la mescu, tu manges tout ce que tu veux. Il y a des gens, ça leur fait pas peur. Et c'est pour ça, ils vont tuer, ils vont répéter le même crime plusieurs fois. Ou même des fois, ils arrivent à trouver des failles dans les lois humaines. Et combien de failles il y a dans les lois humaines? Contrairement à la loi d'Allah Azza wa Jal, qui est la perfection elle-même. Ils trouvent des failles, ils trouvent des alibis, ils font des crimes et ils ne sont même pas punis. Et ça encourage le mal et le crime. Et subhanallah, l'être humain, wallah, c'est étonnant. C'est une créature étonnante. Illa man rahim Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé et il a révélé sa religion. Il lui a révélé la loi à laquelle il doit se conformer et il discute Allah subhanahu wa ta'ala dans sa loi. Et il se pose, il discute, non, pourquoi, comment. Mais par contre, quand un humain contre lui fabrique une petite machine, prenons un exemple, une machine à café, ou pour les femmes, un lave-linge, il lui fabrique une petite machine, il lui dit, t'appuies ici, ça marche, et t'appuies ici, c'est l'arrêt, il ne va pas discuter, pourquoi pas c'est l'inverse? Il va accepter comme ça. Oui, d'accord, il va faire. Mais quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vient, il discute, non, pourquoi, comment. Et ceux qui sont raisonnables, doués de bon sens, ils savent que le bien, tout le bien, est dans la conformité à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre créateur, le sage par excellence, l'omniscient, l'omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Ibn Ishaq, par rapport à cette sortie, cette expédition, les expéditions, vous avez remarqué que ça porte le nom de celui qui était le dirigeant, le responsable. Ici, c'est l'expédition de Sa'd ibn Abi Waqqas. Ibn Ishaq, dans Sira, rahimahullah, il dit que le Nabi alayhi sallam a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas parmi 8 hommes. Et ils sont arrivés jusqu'à un endroit qui s'appelle Al-Kharrar. Et après, ils ont fait demi-tour, il n'y a pas eu de combat, ni quoi que ce soit dans cette expédition également. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, quand il est sorti avec l'expédition de Ubayd ibn al-Harith, celle qui a eu juste un mois avant, ils ont croisé des kuffars. Ils se sont lancés des flèches et lui, c'était le premier qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah, radiyallahu anhu. Et je pense que je l'ai mentionné. Donc, là, après cette expédition de Sa'd, radiyallahu anhu, il va y avoir une autre expédition plus importante. C'est une expédition qui a eu lieu 17 mois après l'arrivée du Nabi alayhi salatu wasalam fil Madina. Après l'arrivée du prophète alayhi salatu wasalam à Médine. Elle a eu lieu dans l'année 2 de l'Hégire, dans le mois de Rajab. Et à sa tête, il y avait Abdullah ibn Jahsh, un homme très endurant et très patient, qui a été décrit par le Nabi alayhi salatu wasalam comme ça. Un homme qui patiente beaucoup sur la faim et la soif. Il a envoyé dans le mois de Rajab, l'année 2 de l'Hégire. Et soyez vigilants par rapport à ce qui va être dit, et attentifs, parce que ici il va y avoir beaucoup d'événements, contrairement aux autres, dans lesquels il y a quasiment rien eu, il va y avoir beaucoup d'événements, et ça c'est la dernière expédition qui va être envoyée avant la bataille, la grande bataille de Badr. Donc le Nabi Isa salam a envoyé Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu. Il l'a envoyé dans une expédition, pas pour combattre, mais uniquement pour explorer et collecter des infos à propos de Quraysh. Collecter des infos à propos de Quraysh. Et il ne leur a pas dit de combattre. Il ne leur a pas dit de combattre. Et vous constatez que cette expédition a eu lieu dans le mois de Rajab. La bataille de Badr va avoir lieu dans le mois de Ramadan. Ça veut dire Rajab, Sha'ban, Ramadan. Deux mois plus tard, c'est la grande bataille de Badr. Parce que c'est cette expédition qui va être la cause principale de la bataille, ou plutôt une des causes de la bataille de Badr. Mais en réalité, c'est la cause principale. Même, comme on va voir, il y a d'autres choses pour lesquels Nabi Aïssa sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Mais de la part de Kuffar Quraysh, ce qui va arriver ici, c'est ça, la grande cause et la cause principale pour eux. Et cette expédition a été nommée l'expédition de Nakhla. Nakhla, littéralement palmier, c'est le nom d'un endroit. C'est le nom d'un endroit qui se trouve entre la ville de Mecca et de Taif. Pour ceux qui connaissent comment c'est l'Hijaz, ou l'Arabie Saoudite comme elle est appelée maintenant, pour ceux qui savent comment c'est fait, vous savez que le Madina, vous venez jusqu'à Mecca. Et après de Mecca, vous avez à peu près 70 kilomètres de l'autre côté pour arriver à Taif. Ça veut dire, Nabi Isa salam, imaginez, il va envoyer des hommes et dépasser Mecca et aller de l'autre côté vers Taif pour explorer et collecter des informations au sujet de Quraysh. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent quoi? Donc pour avoir des informations. Donc c'est une mission extrêmement dangereuse. Parce que Kuffar Quraysh, il les attrape, c'est la mort directe. C'est une mission extrêmement dangereuse. Et c'est un pas également, entre parenthèses, extrêmement osé de la part des musulmans. Ils vont s'approcher. Là, si vous avez remarqué, les expéditions précédentes ont eu lieu toutes autour de l'Madina. Les alentours de l'Madina. Là, les musulmans vont aller jusqu'à Mecca. Et même contourer Mecca et s'approcher de Mecca de l'autre côté pour explorer et collecter les informations. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit, il a envoyé Abdullah ibn Jahsh avec 8 hommes, également tous parmi les émigrés, dans lesquels il n'y a pas un seul ansari. رضي الله عن المهاجرين ورضي الله عن الأنصار كالله أغري les émigrés كالله أغري les أنصار ou les auxiliaires comme ils les appellent. Et il a écrit pour Abdullah ibn Jahsh, النبي عليه الصلاة والسلام lui a écrit, il lui a donné un écrit, il lui a dit de ne pas l'ouvrir qu'après 2 jours de voyage, ensuite de l'ouvrir et de regarder ce qu'il lui dit dedans. Ça veut dire, Abdullah ibn Jahsh, il sort, lui et les 8 parmi les muhajirines avec lui, ils sortent, ils savent pas, qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce que le Nabi alayhi salam veut d'eux exactement? Mais c'est l'obéissance au prophète alayhi salatu wa salam. point à la ligne. Ils n'ont pas besoin de plus, radiyallahu anhum. Et il lui a dit, quand tu vas ouvrir mon écrit, ne contraint personne à t'accompagner dans la mission que je vais te donner. Celui qui veut t'accompagner, alhamdulillah. Celui qui veut pas, ne l'oblige pas. Car il y a un danger et un risque. Il y a un danger et un risque. Et quand il a ouvert, après deux jours de voyage, Sa'd, Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu, il a ouvert le livre du prophète, alayhi salatu wassalam, l'écrit, et il a trouvé dedans, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il lui dit, quand tu ouvres cet écrit, en arabe on dit livre, un écrit, ça peut être une feuille, ça peut être plusieurs feuilles, ça peut être un livre. Tout ça, ça s'appelle un livre. Parce que le livre, en arabe, kitab, on l'appelle kitab. Mais en réalité, on veut maktoub, ce qui est écrit. Et ça, c'est courant en langue arabe. On utilise ism al-fa'il et on veut ism al-maf'oul. On utilise ism al-fa'il et on veut ism al-maf'oul. Donc kitab, c'est écrit, comme ilah. Ilah, Allah Azzawajal, le nom d'Allah. Allah, à la base, c'est dérivé de ilah. Ilah. Après une transformation linguistique, dans le domaine de sarf, ça donne Allah. Et donc ilah, c'est comme kitab dans al-wazn. C'est aussi un ism fa'il. Mais le sens de ilah, c'est ma'lour. C'est celui qui est adoré. C'est celui qui est adoré. Et ilah, ça vient du verbe aliha. Ya'lahu ilahan wa ilahatan wa alihatan. Le nom ilah, il vient du verbe aliha. Aliha, c'est aimer et adorer. C'est pour ça, Allah, ça signifie celui qui est adoré et qui est vénéré en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a dit, quand tu regardes cet écrit, continue sur ta route jusqu'à arriver à la région de Nakhla. Comme je vous ai dit, c'est une région entre Mecca et Taif. Et il lui a dit, une fois arrivé à Nakhla, arrête-toi et guettez Quraysh et collectez de leurs informations et rapportez-nous ce qu'ils font. Il a dit, toute écoute et toute obéissance au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Jahsh, une fois qu'il a lu ça. Il a demandé à ses compagnons qui veut l'accompagner sans les contraindre. Il a dit, celui qui veut le martyr dans le sentier d'Allah, qu'il m'accompagne. Et celui qui ne veut pas mourir, qu'il fasse demi-tour. Car il y a un danger dans cette mission. Il leur a dit, celui qui veut le martyr, il est le bienvenu. Celui qui veut préserver sa vie, il retourne à Médine. Et il leur a dit, par contre, moi, je vais accomplir cette mission. Et ils ont tous dit après lui, nous également. Et là, on voit la force de foi des croyants, des compagnons, radiyallahu anhum, et leur véracité et leur détermination, et également leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son noble prophète, alayhi salatu wassalam. Et sur la route, ce groupe d'hommes, à leur tête, Abdullah ibn Jahsh, sur la route, il y avait avec eux, dans le groupe, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan, radiyallahu anhuma. Et ils avaient un seul chameau pour deux. Ils montaient sur le chameau à tour de rôle. Ils s'alternaient sur le chameau. Et à un moment, ils ont perdu leur chameau. Et ils sont partis le chercher. Et Abdullah ibn Jahsh ne les a pas attendus. Il a tracé vers sa mission, radiyallahu anhu, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Donc ils sont partis là-bas, ils étaient plus 9, ils étaient que 7. Une fois arrivés à cet endroit de Nakhla, Ils se sont dit que Sa'd ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan radiallahu anhuma, quand ils vont avoir leurs chameaux, ils vont les suivre et les rejoindre. Quand ils sont arrivés là-bas, il est passé devant eux une caravane commerciale de Quraysh, dans laquelle il y avait Amr ibn al-Hadrami et Uthman et Nawfal, les fils de Abdullah ibn al-Mughira et al-Hakam ibn Kaysan. Donc il n'y avait que quatre hommes avec une belle caravane commerciale remplie avec des raisins secs et d'autres affaires commerciales et également avec des choses, avec l'Adam. L'Adam, son pluriel, ou l'Idam, son pluriel, Udum. L'Adam, c'est ce qu'on mange avec le pain. Les choses qui nous aident à manger le pain, telles que l'huile, telles que toutes ces choses-là, avec lesquelles tu manges le pain. Et Huma, ils avaient la possibilité d'avoir le pain, donc, l'Adam, c'est quelque chose de très très bien pour eux. Donc ils ont vu que cette commerciale portait toutes ces choses, et qu'il n'y avait que quatre hommes, et que eux, ils étaient plus nombreux, ils étaient sept. Donc ils ont, et n'oubliez pas qu'ils sont sortis dans le mois de Rajab. Et quand ils ont vu cette caravane, c'était le dernier jour du mois de Rajab. Le mois Rajab, c'est le quatrième mois sacré dans les mois de l'année. Les mois sacrés sont au nombre de quatre. Trois qui se suivent et un qui est isolé. Les trois qui se suivent, c'est Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram. Et le 11, le 12, le premier mois, et Rajab, il est seul. Nabi alayhi sallam l'a appelé Rajab al-Fard. Donc, ils étaient dans le mois Rajab. C'est un mois sacré. Un mois sacré, ça veut dire que c'est un mois dans lequel le combat n'est pas autorisé. Et ça, c'était respecté même parmi Kuffar Quraysh, dans le Jahiliya. Bien évidemment, comme Allah nous l'a rapporté dans le Coran, des fois, ils jouaient. Par exemple, ils ont envie de faire une bataille, le Jahiliya, ils vont changer le nom du mois. Comme aujourd'hui, nous, on change le nom de l'heure. 13 heures, on va l'appeler 14 heures. Et eux, ils jouaient avec ça, et ils changeaient, quand c'était indispensable de faire une bataille, ils changeaient le nom du mois. Et le mois Rajab, ils vont l'appeler, par exemple, Sha'ban. Ils vont avancer ou reculer. Donc, Sahaba sont restés pendant un temps de réflexion. Ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait? Cette aubaine, cette occasion tellement facile, on revient à Medina avec toute cette richesse qu'on donnera à nos frères et qu'on pourra avoir avec une grande facilité, mais il peut en découler transgresser la sacralité du mois de Rajab. Et c'était le dernier jour de Rajab. C'est-à-dire, si ils ne prennent pas la caravane tout de suite, ils allaient entrer à Mecca. Et donc là, ils pourront rien faire. Donc, ou bien ils prennent la caravane tout de suite, ou bien ils loupent cette chance et cette occasion tellement facile pour eux. Ils se sont posé la question, ils ont réfléchi, et leur avis, finalement, était d'attaquer la caravane commerciale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis d'accord, tous ils étaient d'accord sur cet avis. Les sept. Et l'un d'entre eux a jeté Amr ibn al-Hadrami avec une flèche, il l'a tué. Ils ont pris en otage deux hommes, Uthman et al-Hakam, al-Hakam ibn Kaysan. Et Nawfal, le quatrième, Nawfal, fils de Abdullah, fils de al-Mughira, a pris la fuite. Ils ont capturé son frère al-Hakam et Amr ibn al-Hadrami, ils l'ont tué, et Nawfal a pris la fuite. Et ils sont retournés à Mecca, al-Madina Afwan, avec cette caravane commerciale et avec ces deux otages, ces deux prisonniers de guerre. Ces deux prisonniers de guerre qui sont al-Hakam ibn Kaysan et Uthman. avant de l'oublier, le Hakam ibn Kaysan, il va devenir musulman par la suite. Par contre, Uthman, il est devenu musulman, il est resté à Mecca, le Hakam ibn Kaysan, radiyallahu anhu. Il est entré dans l'islam, il est resté à Mecca. Il est resté à Afwan, fil Medina. Par contre, Uthman, il a été payé pour lui une rançon et il est parti à Mecca. Il a été libéré contre une rançon et il est parti à Mecca et il est mort là-bas, mécréant. Donc, dès leur arrivée à Al-Madina, ils sont allés voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Et ils lui ont donné la caravane commerciale avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle contient, et ils lui ont donné les deux prisonniers de guerre. Et ils ont retiré de cette caravane commerciale un cinquième de ce butin, comme vous savez, qui revient à Allah et son messager. Et c'était le premier butin qui a été pris dans l'islam. C'est celui-là. Et c'était le premier cinquième qui a été sorti d'un butin. Et Amr ibn al-Hadrami, c'était le premier qui a été tué par le muslimin. Le premier qui a été tué par le muslimin, il s'appelle Amr ibn al-Hadrami. Et les deux premiers prisonniers de guerre, c'était Al-Hakam ibn Kaysan et Uthman. Uthman ibn Abdullah ibn Rabi'a. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas accepté d'eux ce qu'ils lui ont donné et les a blâmés pour ce qu'ils ont fait. Le Nabi alayhi salatu wassalam les a blâmés pour ce qu'ils ont fait. Car ils ont transgressé la sacralité du mois de Rajab. Et le Nabi alayhi salatu wassalam ne leur avait pas dit de combattre. C'était leur mission d'explorer. Mais radiyallahu anhum, c'était des hommes de science, des savants, comme a dit l'imam Ibn Kathir. Et ils ont fait leur effort d'interprétation. Et chose qui est autorisée pour eux, il y en a le Nabi alayhi salatu wassalam, il les a envoyés dans une mission, ça ne veut pas dire qu'il leur a dit ne faites pas autre chose. Faites la distinction entre ça et ce qu'on va voir par rapport aux compagnons radiyallahu anhum qui était sur la montagne des archers. Le Nabi alayhi salatu wassalam, cela leur a précisé, ne descendez jamais, quoi qu'il arrive. Mais là, le Nabi alayhi salatu wassalam les a envoyés dans une mission, mais il leur a pas dit, si jamais il y a une caravane commerciale, ne l'interceptez pas. C'est ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a fait jusqu'à maintenant. Donc, ils ont regardé le pour et le contre, et ils ont étudié le mas'ala, et avec leur ijtihad, ils sont arrivés à cette décision avec laquelle Nabi alayhi salatu wassalam n'était pas d'accord. Car il y a une transgression de la sacralité du mois de Rajab. Mais c'était des hommes de science qui ont fait un ijtihad et qui seront récompensés une fois pour leur ijtihad. Comme Nabi alayhi salatu wassalam a dit. Celui qui est habilité à faire un ijtihad, s'il est dans la vie juste, il est récompensé deux fois. Une fois pour être dans la vie juste, et une fois pour avoir fait un ijtihad, un effort d'interprétation, tout en étant une personne habilitée à le faire. Il ne faut pas ramener un ignorant, il fait un ijtihad. Il espère une récompense. Un ignorant, quelqu'un n'est pas habilité à faire l'ijtihad, s'il fait un ijtihad, il est dans la vie juste, il a un péché. Il a un péché. Parce qu'il n'a pas suivi les voies de l'ijtihad. Il n'a pas réuni les conditions de l'ijtihad. L'ijtihad de l'ignorant, c'est de choisir l'homme de science de qui il prend la science. C'est ça son ijtihad. Ça se limite à ça. S'il arrive à un niveau où il arrive à faire la différence entre les textes et ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, et d'étudier les avis des savants et voir ce qui lui semble comme avis qui prévaut sur l'autre, là, na'am. Il lui autorisait de faire cette catégorie de jihad. Et c'était un événement très dur pour les croyants, pour les musulmans de Medina de manière générale. C'était un événement très dur pour eux. Et les gens ont commencé à parler. Et Kuffar Quraysh, bien évidemment, ils ont saisi l'occasion et ils ont commencé à répandre parmi les Arabes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons transgressent la sacralité des mois sacrés. Et ça, pour les Arabes, c'est quelque chose de catastrophique. Pour eux, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de principe, qui ne respectent rien. Et c'était une période très très difficile jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets dans lesquels il a donné raison aux compagnons radiyallahu anhum, mais il a montré l'erreur de transgresser yani la sacralité du mois. Donc il y avait cette erreur, mais ce qu'ils ont fait, à part l'erreur, c'était un bien. C'était un bien, excepté l'erreur. Comme il dit l'imam Ibn Kathir, Allah Azza wa Jal a montré l'erreur dans laquelle ils sont tombés, qui est de combattre dans le mois sacré. Et ensuite, il a montré les crimes des associateurs qui n'ont rien à voir avec cette erreur qu'ont fait ses compagnons, radiallahu anhum, qui sont beaucoup plus graves. Qui sont beaucoup plus graves. Allah Azza wa Jal a dit dans le verset, يَسْأَلُونَكَ عَلِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens approximatif de ces versets, il t'interroge, yani en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dit le combat y est un péché majeur. Mais plus grave encore, le meurtre et le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants, qui sont ses compagnons qui ont été expulsés de leur lieu d'habitation habituel, Mecca, par Kuffar Quraysh. Et Kuffar Quraysh, Allah Azza wa Jal, a dénombré leurs crimes dans ce verset. On les répète ensemble. Il a dit, yani après avoir affirmé qu'effectivement que ça c'était une erreur de la part des compagnons radiallahu anhum d'avoir transgressé la sacralité de ce mois. Mais c'est une erreur de laquelle ils se sont repentis et ils l'ont fait avec un effort d'interprétation en plus. Mais par contre, ce que vous, les mécréants de Quraysh, vous faites, ça, ce n'est justifié en aucun cas. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Allah Azza wa Jalla a dénombré leurs crimes. Yani, parmi les crimes, yani, Allah Azza wa Jalla a dit, plus encore, plus grave encore, le meurtre. Vous les avez tués, et vous avez tué certains parmi eux. Et le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah. Le péché d'empêcher la da'wa, et d'empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Et de mécroire en Allah. Vous mécroyez en Allah et vous dites, ils ont transgressé la sacralité d'un mois. Quel, yani, c'est beaucoup plus grave, bien évidemment. C'est beaucoup plus grave. Et de mécroire en lui et de profaner la mosquée sacrée. De profaner la mosquée sacrée dans laquelle vous commettez l'associationnisme et la mécréance et vous empêchez ceux qui unifient Allah d'y prier. Et encore d'expulser les habitants de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, de les expulser de leur lieu d'habitation. Et après Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nul ne se rend ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre, ceux-là sont les hôtes du feu où ils séjourneront pour l'éternité. Et donc quand Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets, c'était un apaisement dans les rangs des muslimines et par la suite, Nabi alayhi salatu wa salam, après la révélation de ces versets, il a accepté d'eux le cinquième qui lui avait donné auparavant et il a accepté également la rançon pour les deux prisonniers de guerre, contre les deux prisonniers de guerre. La rançon contre Kuffar Quraysh, ils ont proposé une rançon contre Uthman, comme on a vu, Al-Hakam est entré dans l'islam. Nabi alayhi salam, il a dit d'accord, mais j'attends le retour de mes deux compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas et Uthman ibn Ghazwan. Car il a eu peur pour eux qu'ils se fassent attraper et tuer par Kuffar Quraysh. Il a dit, dès qu'ils arrivent à Médine, sains et saufs, je vous renvoie Uthman. Et effectivement, c'est ce que Nabi alayhi salam a fait, alayhi salatu wa salam. Je voulais parler du changement de l'Qibla. Pour que le cours prochain, on commence directement avec la bataille de Badr. Je vais le citer, c'est pas long. Je vous demande d'être patient. Donc, Nabi alayhi salatu wa salam, après cet événement et cette expédition de Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Après, l'imam ibn Kathir a fait un chapitre dans lequel a parlé du changement de la direction de l'Qibla et de la prescription du jeûne. Donc, dans ce chapitre, il va parler de trois points. Et yani, le troisième point, c'est la prescription de zakat al-fitr. Donc, trois points. Le changement de l'Qibla. Le Nabi alayhi salatu wa salam, dès son arrivée à Medina, il avait envie de ne plus se tourner vers la Palestine, vers l'Aqsa, qui était la direction de l'Qibla pour Ibrahim alayhi salam. Et il demandait à Allah de le faire tourner vers Al-Ka'ba, de lui donner comme orientation Al-Ka'ba, la Mecque. Et il faisait beaucoup de dua à ce sujet. Jusqu'à 18 mois après son arrivée à Médine, dans la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire. Tout ça va avoir lieu, les trois points que l'imam Ibn Kathir abordera dans ce chapitre vont avoir lieu dans l'année 2 de l'Hégire, à savoir le changement de l'Qibla, la prescription du jeûne et de zakat al-fitr avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans le mois de Sha'ban, de cette année, l'année 2 de l'Hégire, Allah a ordonné à son prophète, alayhi salatu wa salam, de s'orienter vers Al-Ka'ba, à la place de la Palestine, et de Bayt al-Maqdis. Et ça, c'était, chez la plupart des savants, 18 mois, après 18 mois de son arrivée. Et dont l'authentique s'est rapporté 16 ou 17. Les deux sont rapportés dans l'authentique également. Et le premier qui a prié en direction de l'Qibla, ce sont deux hommes. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla et son compagnon. Ils étaient deux. Comme ceci a été rapporté, dans les sunan de l'imam al-Nasa'i, que le Nabi alayhi salatu wa salam, il faisait un discours dans lequel il a parlé du changement de la direction de l'Qibla. Et que maintenant, à partir d'aujourd'hui, de la salat prochaine, qui va être salat al-Dhuhr, Il leur a dit à partir de la salat suivante, on va prier en direction de la Kaaba. Et ces deux hommes, quand ils ont entendu cela, Abu Sa'id ibn Mu'alla, il a dit à son compagnon, qu'est-ce que t'en penses si on se met de côté et on prie deux rak'at pour Allah? Ainsi nous serons les premiers à avoir prié en direction de Mecca. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était les deux premiers qui ont prié en direction de la Kaaba de Mecca. Et Nabi Aïssa al-Salam, par la suite, a dirigé Salat al-Dhuhr en direction de Mecca. Et c'était la première salat qui a été priée en direction de Mecca après le changement de la direction de la Kaaba. Pour la prescription de Ramadan, Ramadan a été prescrit dans le mois de Sha'ban également, l'année 2 de l'Hégire, comme ça a été rapporté par l'imam Tabari dans Tariq. Ça a été prescrit dans l'année 2 de l'Hégire, dans le mois de Sha'ban, c'est-à-dire yani, quasiment au même moment que le changement de la direction dans la salat. Et un jour, comme il a dit l'imam Ibn Kathir, un jour avant la prescription du jeûne a été prescrit zakat al-fitr, la zakat qu'on donne vers la fin du mois de Ramadan, ce qu'on appelle zakat al-fitr, qui est une obligation bien évidemment. Et les habitants de Quba, ils n'ont pas entendu le changement de la Qibla jusqu'au lendemain. Donc la Qibla a été changée et informée par Nabi Isa Salam avant Salat al-Dhuhr. Et la première prière que Nabi Isa Salam a priée en direction de Mecca, c'est la prière de al-Dhuhr. Et ensuite il a prié l'Asr, l'Maghrib, l'Isha. Et les habitants de Quba, ils ne l'ont su que pendant Salat Subh. Ils étaient dans la Salat, en train de prier en direction de la Palestine, vers l'ancienne Qibla, et un homme est venu, il leur a dit que le Qibla a été changé, et que maintenant on prie en direction de Mecca. Et ils se sont tournés dans leur Salat vers la mosquée de Mecca, rapporté dans les deux authentiques. Ils se sont tournés vers la nouvelle Qibla dans leur salat. Il a été rapporté également authentiquement que certains parmi les compagnons, quand le Qibla a été changé, ils étaient un peu tristes. Pas à cause du changement de le Qibla. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que le Nabi Aïssa Salam voulait depuis longtemps. Ceux qui étaient tristes à cause du changement de le Qibla, c'est les Juifs. Les Juifs aimaient bien quand Nabi Isa Salam est prié dans la même direction que eux. Mais quand il s'est orienté vers Mecca, ils n'ont pas aimé cela. Mais Sahaba, qui était triste, c'est pas par rapport au changement de Qibla lui-même. Mais ils étaient tristes parce qu'ils ont pensé que leurs frères qui sont décédés avant d'être informés de ce changement de Qibla et qui n'ont pas prié vers la nouvelle Qibla, que Allah Azzawajal n'accepte pas leur prière. Qu'Allah Azzawajal n'accepte pas leur prière. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole dans laquelle il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et Allah n'aurait pas laissé perdre la récompense de votre prière. Une fois ici, iman, ça signifie salat. C'est utilisé pour désigner la salat. Et Allah n'aurait pas laissé perdre la récompense de votre salat, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. Et dans le début du verset, nous avons aussi fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. La suite des versets. Donc ils étaient tristes parce qu'ils ont pensé que leurs frères qui sont décédés et qui ont prié vers la Palestine seulement, que leur salat ne soit pas valide. Et Allah a démontré qu'Allah Azzawajal les récompensera pour avoir prié vers la direction qui était ordonnée à leur, pendant leur vivant. Et que ceux qui sont concernés par le changement, c'est ceux qui sont vivants maintenant. Voilà par rapport à, au cours d'aujourd'hui, comme j'ai précisé, demain, Inch'Allah, nous allons parler de cette bataille extrêmement importante, la bataille de Badr. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته